Quand tu fais la la la la la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie. Elles étaient si belles que je n'ai pas pu résister. Je voyais en elles la beauté. Quand tu fais la la la la la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave, la vie. Et moi, dans leur cœur, je retrouvais la vérité. Comment, en plein bonheur, me raisonner? Les poupons, les biberons, les berceaux, les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos.